À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée, le président palestinien Mahmoud Abbas a fait parvenir une corbeille de fleurs au maréchal Kim Jong-un. Ibrahim Abou Mualik, chargé d'affaires par intérim palestinien en Corée, l'a transmise le 12 coron à un cadre coréen intéressé.